Là, tout à l'heure, à la pause. Alors voilà, il nous reste à accueillir maintenant celui qu'on a surnommé à juste titre le précurseur de l'homme nouveau, Monsieur Daniel Kemp. Bonsoir Daniel, je te trouve changé. Avec l'énergie fait rajeunir. Êtes-vous assez perspicace pour voir ce qu'il y a de changé, assez observateur? Donc, hier, je donnais des cours à des enfants, une cours d'Ardem ici au centre, et puis il y a un jeune qui me dit « Ah, elle s'était fait couper les cheveux. » Non, mais c'est pas pire, il y a un changement. Le jeune n'a pas encore 10 ans. Il cherche, il dit « T'avais des lunettes. » Non. Là, les jeunes filles avec cherchaient, en fin de compte, ça a pris du temps, mais ils n'ont pas trouvé. Il fallait qu'on leur dise. Il n'y a plus de moustache. Évidemment, ceux qui ne m'avaient jamais vu, c'est plus compliqué. Alors, bas les masques, bas la moustache. T'as rappelé, François, un jour où tu m'as dit « Ça serait bien que tu conserves ta barbe. » Je revenais du Guatemala, j'avais 18 ans. Parce que si tu fais des conférences, tu parais tu es trop jeune et puis il n'y a pas un fichu adulte qui va accepter de t'écouter si tu as l'air l'âge que tu as. C'était vrai. Alors tu m'as dit, garde ta barbe, tu gardes ta moustache et puis là au moins, ça te donne au moins 20, presque une trentaine d'années. Là au moins, les adultes pourront t'écouter, sinon rien à faire, tu passeras jamais. Ça, c'était ton passeport. Oui. Alors à un moment donné, j'ai fait sauter la barbe l'année dernière ici au centre. Puis je me suis dit, tant pis. Et t'as eu le temps d'installer ton crédit, t'avais plus besoin de carte. Exactement, et puis là, je suis à l'âge que j'ai. Ça nous avance pas beaucoup. On le sait pas. On sait que tu es né à 4 décembre, je crois. C'est ça? C'était sur une feuille. Ça, oui. Ouais, sur une feuille de présentation. Ma mère m'a dit, remarque bien. Mais c'est ce que j'ai lu. Daniel Kemp est né le 4 décembre. Point, il n'y avait pas d'année, en fait. Alors, le 4 décembre. Alors, ce soir, il va s'agir de les croyances face au savoir. Oui. Alors, ce qui serait peut-être bon que tu nous brosses, ce serait un tableau de la période que l'on vit actuellement, dite de transition entre l'involution et l'évolution, pour qu'on puisse saisir le public qui approche pour la première fois ce genre de sujet ce soir, pour qu'il puisse saisir quelles sont les grandes lignes de démarcation entre ces deux grandes époques. Bon. Pour situer la pensée à travers l'involution et l'évolution. Parfait. Présentement, au niveau du Québec, la pensée évolutive, la pensée de conscientisation, essaie de mettre un grand croix, un grand X sur la foi et sur la croyance. Comprenant l'utilité, enfin, les minorités comprennent disons, l'utilité, l'intelligence de la croyance et de la foi dans l'Antiquité. Certains la comprennent et la tolèrent encore dans les temps actuels, et la grande majorité deviennent tout à fait révoltés contre tout ce qui est mécanisme de religion organisée, de croyance organisée, de foi ou de choses comme ça. Alors, je vais donc expliquer premièrement pourquoi la pensée nouvelle, la pensée qui est en train de naître au Québec, met une croix, c'est le cas de le dire, sur la foi. Alors, au lieu d'adorer la croix, on la met sur la foi. Et par après, je vais expliquer la correspondance inverse, aussi intelligente, pour que ceux qui, à un moment donné, finissent par vivre une espèce de snobisme de l'évolution, ceux qui se révoltent contre la croyance parce qu'ils ont vu le côté obscur de la croyance, mais qu'ils n'ont pas encore perçu le côté éclairé de la croyance. Donc, ceux qui se révoltent toujours contre le passé parce qu'ils découvrent des choses neuves. On fera donc la correspondance où on récupérera dans un terme ésotérique les personnes qui seront trop chambranlantes après ce que je vais avoir dit. Bon, c'est très ésotérique. Une petite farce avant de commencer. Tu vois, c'est la bonne affaire. T'as plus besoin de la faire, elle a déjà ri. C'est ça, alors on va continuer. Et bonne. Non, mais quel est l'apanage de la femme nouvelle? C'est une femme du Verseau. Elle croit à rien. C'est une bonne farce. Heureusement qu'il y a une pause. À quoi rien? À quoi rien? Aquaria, ok. Ou Aquarius, le Verseau. Oui, évidemment, Aquarius. Alors, l'homme est un être aquarien et la femme nouvelle, vu qu'aquarien, est donc aquarienne. Bon, on parlait de la croyance.

des événements antérieurs, mais emmagasinés dans la mémoire, mais décolorés de l'émotion. Donc, la préscience est la faculté de pouvoir rapprocher l'homme ancien de l'homme nouveau. La foi, c'est la même chose. La préscience est la faculté qui permet aux mémoires événementielles emmagasinées dans la mémoire de l'homme, sans les mémoires émotives emmagasinées en même temps, de pouvoir rapprocher, parce que l'homme est mort, de pouvoir le rapprocher d'une efficacité en relation avec ce qui est maintenant capté dans l'instantanéité. Ça, c'est la préscience, et la préscience engendre automatiquement la foi, mais tu ne peux pas être préscient si tu n'as pas la foi. C'est la même similitude d'énergie. Une s'imprime dans l'ego, l'autre s'imprime dans l'extérieur, rendant l'homme humain efficace. Une fois que l'étape de la préscience est passée, donc que la foi est passée, tu sais, tu es sûr d'être sûr d'être sûr que tu sais. Tandis que la foi, c'est que tu es sûr d'être sûr d'être sûr. Quelle est la valeur que tu accordes à ton savoir? Aucune. Premièrement, mon savoir, ce n'est pas mon savoir, c'est le savoir. Il est exprimé par ma parole, donc il va être adapté, premièrement, à ma corpologie physique. Il va être adapté, deuxièmement, à la vibration que je perçois de la salle, ce qui me permet de m'ajuster. Donc, je ne peux pas mettre d'autorité sur mon savoir ou quoi que ce soit. Je parle, je dis des choses, j'apprends des choses, j'oublie tout ce que j'apprends. Et lorsqu'on me pose une question, je réponds encore. Et pour l'instant, c'est impeccable pour la simple raison que la facilité qu'a l'homme nouveau de pouvoir répondre le met justement en relation directe. La parole, ce n'est pas la finalité. La parole, c'est le début du contact réel avec l'énergie supramentale. Et lorsque l'être humain parle, il vit le contact avec l'énergie supramentale. Et lorsque l'être humain termine sa fusion, l'être humain ne parle plus, c'est plus nécessaire. L'être humain a besoin de parler tant qu'il est en fusion. Est-ce qu'il est rendu télépathique à ce moment-là?